Sauf qui peut, qui part. Poulette de zip et tout vos contacts. Pas au taf, comme d'hab. Tout va bien et moi j'ai le comptable. Le virement à cash, faut le justifier. Logique. Pour la guerre, on a ce qu'il faut. Je traîne tout seul dans ma cité. On a connu la tourave avant le bédo. J'ai pas attendu que tu prennes mes patins. Jamais. Pas attendu que tu me serres la main. Jamais. Ma haine augmente d'année en année. Je suis passé gros trimage, je mets pas de bandana. Je te laisse en hess et ciao. Il cadre là, c'est les sao. Tu vas pas me baiser, je suis pas au chaos. La rue c'est pas ta mère, elle s'en fout si tu meurs. Je leur fais la guerre ou je fais l'amour selon mon humeur. Je fais l'amour selon mon humeur.